Honoré de Balzac, Petite misère de la vie conjugale. Première partie. Préface. Où chacun retrouvera ses impressions de mariage. Un ami vous parle d'une jeune personne. Bonne famille, bien élevée, jolie et 300 000 francs comptant. Vous avez désiré rencontrer cet objet charmant. Généralement, toutes les entrevues fortuites sont préméditées. Et vous parlez à cet objet devenu très timide. Vous. Une soirée charmante. Elle. « Oh oui, monsieur. » Vous êtes admis à courtiser la jeune personne. La belle-mère, au futur. « Vous ne sauriez croire combien cette chère petite fille est susceptible d'attachement. » Cependant, les deux familles sont en délicatesse à propos des questions d'intérêt. Votre père, à la belle-mère. « Ma ferme vaut 500 000 francs. » « Ma chère dame, votre future belle-mère. » Et notre maison, mon cher monsieur, est à un coin de rue. Un contrat s'ensuit, discuté par deux affreux notaires, un petit et un grand. Puis les deux familles jugent nécessaire de vous faire passer à l'église, avant de procéder au coucher de la mariée qui fait des façons. Et après, il vous arrive une foule de petites misères imprévues, comme ceci. Le coup de jarnac. Est-ce une petite, est-ce une grande misère, je ne sais. Elle est grande pour les gendres ou pour vos belles-filles. Elle est pour excessivement petite pour vous. Petite, ça vous plaît à dire, mais un enfant coûte énormément, s'écrie un époux 10 fois trop heureux qui fait baptiser son 11e, nommé le petit dernier. Un mot avec lequel les femmes abusent leur famille. Quelle est cette misère, me direz-vous? Eh bien, cette misère est comme beaucoup de petites misères conjugales, un bonheur pour quelqu'un. Vous avez... Il y a 4 mois, mariez votre fille, que nous appellerons du doux nom de Caroline, pour en faire le type de toutes les épouses. Caroline est, comme toujours, une charmante jeune personne, et vous lui avez trouvé pour mari, soit un avoué de première instance, soit un capitaine en second, peut-être un ingénieur de 3e classe, ou un juge suppléant, ou encore un jeune vicomte. Mais, plus certainement, ce que recherchent le plus les familles sensées, l'idéal de leur désir, le fils unique d'un riche propriétaire. Ce phénix, nous le nommerons Adolphe. Quel que soit son état dans le monde, son âge et la couleur de ses cheveux. L'avoué, le capitaine, l'ingénieur, le juge, enfin le gendre, Adolphe et sa famille ont vu dans Mademoiselle Caroline, premièrement, Mademoiselle Caroline. Deuxièmement, fille unique de votre femme et de vous. Ici, nous sommes forcés de demander, comme à la chambre, la division. 1. De votre femme. Votre femme doit recueillir l'héritage d'un oncle maternel, vieux podagre, qu'elle mitonne, soigne, caresse et emmitoufle. Sans compter la fortune de son père à elle. Caroline a toujours adoré son oncle. Son oncle, il avait sauté sur ses genoux. Son oncle, dont la succession est estimée... 200 000 francs. De votre femme, personne bien conservée, mais dont l'âge a été l'objet de mûres réflexions et d'un long examen de la part des avés et atavés de votre gendre. Après bien des escarmouches respectives entre les belles-mères, elles se sont confiées leurs petits secrets de femmes mûres. Et vous, ma chère dame? Moi, mon Dieu merci, j'en suis quitte. Et vous? Moi, je l'espère bien, a dit votre femme. Tu peux épouser Caroline, a dit la mère d'Adolphe à votre futur gendre. Caroline héritera seule de sa mère, de son oncle et de son grand-père. Grand 2. De vous, qui jouissez encore de votre grand-père maternel, un bon vieillard dont la succession ne vous sera pas disputée. Il est en enfance et dès lors incapable de tester. De vous, homme aimable, mais qu'avait mené une vie assez libertine dans votre jeunesse, Vous avez d'ailleurs 59 ans. Votre tête est couronnée, on dirait d'un genou qui passe au travers d'une perruque grise. Troisièmement, une dot de 300 000 francs. Quatrièmement, la sœur unique de Caroline, petite nièce de 12 ans, souffreteuse, et qui promet de ne pas laisser vieillir ses os. Cinquièmement, votre fortune à vous, beau-père. Dans un certain monde, on dit le papa beau-père. 20 000 livres de rente, qui s'augmenteront d'une succession sous peu de temps. Sixièmement, la fortune de votre femme, qui doit se grossir de deux successions, l'oncle et le grand-père. Trois successions et les économies, c'est-à-dire 750 000 francs. Votre fortune, 250 000 francs. Celle de votre femme, 250 000 francs. Total, 1 250 000 francs, qui ne peuvent s'envoler. Voilà l'autopsie de tous ces brillants hyménées qui conduisent leur cœur dansant et mangeant, en grand blanc, fleuris à la boutonnière, bouquets de fleurs d'oranger, canetilles, voiles, remises, des cochers, allant de la mairie à l'église, de l'église au banquet, du banquet à la danse, et de la danse dans la chambre nuptiale, aux accents de l'orchestre et aux plaisanteries consacrées que disent les restes de dandy. Car n'y a-t-il pas de par le monde des restes de dandy, comme il y a des restes de chevaux anglais? Oui, voilà, l'ostéologie des plus amoureux désirs. La plupart des parents ont dit leur mot sur ce mariage. Ceux du côté du marié. Adolphe a fait une bonne affaire. Ceux du côté de la mariée. Caroline a fait un excellent mariage. Adolphe est fils unique et il aura 60 000 francs de rente, un jour ou l'autre. Un jour, l'heureux juge, l'ingénieur heureux, l'heureux capitaine ou l'heureux avoué, l'heureux fils unique d'un riche propriétaire, Adolphe, enfin, vient dîner chez vous, accompagné de sa famille. Votre fille Caroline est excessivement orgueilleuse de la forme un peu bombée de sa taille. Toutes les femmes déploient une innocente coquetterie pour leur première grossesse, semblables aux soldats qui se pomponnent pour sa première bataille, elles aiment à faire la pâle, la souffrante. Elles se lèvent d'une certaine manière et marchent avec les plus jolies affectations. Encore fleurs, elles ont un fruit. Elles anticipent alors sur la maternité. Toutes ces façons sont excessivement charmantes, la première fois. Votre femme, devenue la belle-mère d'Adolphe, se soumet à des corsets de haute pression. Quand sa fille rit, elle pleure. Quand sa Caroline étale son bonheur, elle rentre le sien. Après dîner, l'œil clairvoyant de la co-belle-mère a deviné votre l'œuvre de ténèbres. Votre femme est grosse. La nouvelle éclate et votre plus vieille amie de collège vous dit en riant « Ah, vous avez fait des nôtres !» Vous espérez, dans une consultation qui doit avoir lieu le lendemain, vous, homme de cœur, vous rugissez, vous espérez une hydropisie, mais les médecins ont confirmé l'arrivée d'un petit dernier. Quelques maris timorés vont alors à la campagne ou mettent à exécution un voyage en Italie. Enfin, une étrange confusion règne dans votre ménage. Vous et votre femme, vous êtes dans une fausse position. « Comment? Toi, vieux coquin, tu n'as pas eu honte de... » vous dit un ami sur le boulevard. « Eh bien oui, fais-en autant, répliquez-vous enragé. »« Comment? Le jour où ta fille... Mais c'est immoral, et vieille femme. Mais c'est une infirmité. Nous avons été volés comme dans un bois, dit la famille de votre gendre. »« Comme dans un bois est une gracieuse expression pour la belle-mère. Cette famille espère que l'enfant qui coupe en trois... les espérances de fortune sera, comme tous les enfants des vieillards, un scrofuleux, un infirme, un avorton. N'êtra-t-il viable? Cette famille attend l'accouchement de votre femme avec l'anxiété qui agita la maison d'Orléans pendant la grossesse de la duchesse de Berry. Une seconde fille procurait le trône à la branche cadette sans les conditions onéreuses de juillet. Henri V raflait la couronne. Dès lors, la maison d'Orléans a été forcée de jouer quitte ou double. Les événements lui ont donné la partie. La mère et la fille accouchent à 9 jours de distance. Le premier enfant de Caroline est une pâle et maigrichonne petite fille qui ne vivra pas. Le dernier enfant de sa mère est un superbe garçon, pesant 12 livres, qui a 2 dents et des cheveux superbes. Vous avez désiré pendant 16 ans un fils. Cette misère conjugale est la seule qui vous rende fou de joie. Car votre femme rajeunie rencontre dans cette grossesse ce qu'il faut appeler l'été de la Saint-Martin des femmes. Elle nourrit, elle a du lait. Son teint est frais, elle est blanche et rose. À 42 ans, elle fait la jeune femme, achète des petits bas, se promène suivie d'une bonne, brode des bonnets, garnit des béguins. Alexandrine a pris son parti. Elle instruit sa fille par l'exemple. Elle est ravissante, elle est heureuse. Et cependant, c'est une misère, petite pour vous, grande pour votre gendre. Cette misère est des deux genres. Elle vous est commune à vous et à votre femme. Enfin, dans ces cas-là, votre paternité vous rend d'autant plus fière qu'elle est incontestable, mon cher monsieur. Les découvertes. Généralement, une jeune personne ne découvre son vrai caractère qu'après 2 ou 3 années de mariage. Elle dissimule, sans le vouloir, ses défauts au milieu des premières joies, des premières fêtes. Elle va dans le monde pour y danser, elle va chez ses parents pour vous y faire triompher, elle voyage, escortée par les premières malices de l'amour, elle se fait femme, puis elle devient mère et nourrice, et dans cette situation pleine de jolies souffrances, qui ne laisse observation ni une parole ni une minute, tant les soins y sont multipliés, il est impossible de juger d'une femme. Il vous a donc fallu 3 ou 4 ans de vie intime avant que vous ayez pu découvrir une chose horriblement triste, un sujet de perpétuelle terreur. Votre femme, cette jeune fille à qui les premiers plaisirs de la vie et de l'amour tenaient lieu de grâce et d'esprit, si coquette, si animée, si vive, dont les moindres mouvements avaient une délicieuse éloquence, a dépouillé lentement, un à un, ses artifices naturels. Enfin, vous avez aperçu la vérité, vous vous y êtes refusé, vous avez cru vous tromper. Mais non, Caroline manque d'esprit, elle est lourde, elle ne sait ni plaisanter, ni discuter. Elle a parfois peu de tact. Vous êtes effrayé. Vous voyez pour toujours obligé de conduire cette chère minette à travers des chemins épineux où vous laisserez votre amour-propre en lambeaux. Vous avez été déjà souvent atteint par des réponses qui, dans le monde, ont été poliment accueillies. On a gardé le silence au lieu de sourire, mais vous aviez la certitude qu'après votre départ, les femmes s'étaient regardées en se disant « Avez-vous entendu Madame Adolphe ? Pauvre petite femme, elle est bête comme un chou. Comment, lui, qui certes est un homme d'esprit, a-t-il pu choisir ? Il devrait former sa femme, l'instruire, ou lui apprendre à se taire. » Axiome. Un homme est, dans notre civilisation, responsable de toute sa femme. Ce n'est pas le mari qui forme la femme. Un jour, Caroline aura soutenu Mordicus chez Madame de Fichtaminel, une femme très distinguée, que le petit dernier ne ressemblait ni à son père, ni à sa mère, mais à l'ami de la maison. Elle aura peut-être éclairé M. de Fichtaminel et inutilisé les travaux de 3 années en renversant l'échafaudage des assertions de Madame de Fichtaminel qui, depuis cette visite, vous marque de la froideur, car elle soupçonne chez vous une indiscrétion faite à votre femme. Un soir, Caroline, après avoir fait causer un auteur sur ses ouvrages, aura terminé en donnant le conseil à ce poète déjà fécond de travailler enfin pour la postérité. Tantôt elle se plaint de la lenteur du service à table chez des gens qui n'ont que domestiques et qui se sont mis en quatre pour la recevoir. Tantôt elle médit des veuves qui se remarient devant Madame Deschard, mariée en 3e noce, à un ancien notaire, à Nicolas Jean-Jérôme Nepomucène, Ange-Marie-Victor Anne-Joseph Deschard, l'ami de votre père. Enfin, vous n'êtes plus vous-même dans le monde avec votre femme, comme un homme qui monte un cheval ombrageux et qui le regarde sans cesse, entre les 2 oreilles, vous êtes absorbé par l'attention avec laquelle vous écoutez votre Caroline. Pour se dédommager du silence auquel sont condamnées les demoiselles, Caroline parle, ou mieux, elle babille. Elle veut faire des faits. et elle en fait. Rien ne l'arrête. Elle s'adresse aux hommes les plus éminents, aux femmes les plus considérables. Elle se fait présenter, elle vous met au supplice. Pour vous, aller dans le monde, c'est aller au martyr. Elle commence à vous trouver maussade. Vous êtes attentif, voilà tout. Enfin, vous la maintenez dans un petit cercle d'amis, car elle vous a déjà brouillé avec des gens de qui dépendaient vos intérêts. Combien de fois n'avez-vous pas reculé devant la nécessité d'une remontrance, le matin, au réveil, quand vous l'aviez bien disposée à vous écouter? Une femme écoute rarement. Combien de fois n'avez-vous pas reculé devant le fardeau de vos obligations magistrales? La conclusion de votre communication ministérielle ne devait-elle pas être « Tu n'as pas d'esprit ». Vous pressentez l'effet de votre première leçon. Caroline se dira « Ah, je n'ai pas d'esprit ». Aucune femme ne prend jamais ceci en bonne part. Chacun de vous tirera son épée et jettera le fourreau. Six semaines après, Caroline peut vous prouver qu'elle a précisément assez d'esprit pour vous minotauriser sans que vous vous en aperceviez. Effrayé de cette perspective, vous épuisez alors les formules oratoires, vous les interrogez, vous cherchez la manière de dorer cette pilule. Enfin, vous trouvez le moyen de flatter tous les amours propres de Caroline, car une femme mariée a plusieurs amours propres. Vous dites être son meilleur ami, le seul bien placé pour l'éclairer. Plus vous y mettez de préparation, plus elle est attentive et intriguée. Et en ce moment, elle a de l'esprit. Vous demandez à votre chère Caroline, que vous tenez par la taille, comment elle, si spirituelle avec vous, qui a des réponses charmantes, vous lui rappelez des mots qu'elle n'a jamais vus, que vous lui prêtez, qu'elle accepte en souriant. Comment elle peut dire ceci, cela, dans le monde, elle est sans doute comme beaucoup de femmes, intimidée dans les salons. Je connais, dites-vous, bien des hommes fort distingués qui sont ainsi. Vous citez d'admirables orateurs de petits comités auxquels il est impossible de prononcer trois phrases à la tribune. Caroline va veiller sur elle. Vous lui vantez le silence comme la plus sûre méthode d'avoir de l'esprit. Dans le monde, on aime qui nous écoute. Ah, vous avez rompu la glace. Vous avez patiné sur ce miroir sans l'oreiller. Vous avez pu passer la main sur la croupe de la chimère la plus féroce et la plus sauvage, la plus éveillée, la plus clairvoyante, la plus inquiète, la plus rapide, la plus jalouse, la plus ardente, la plus violente, la plus simple, la plus élégante, la plus déraisonnable, la plus attentive du monde moral, la vanité d'une femme. Caroline vous a saintement serré dans ses bras, elle vous a remercié de vos avis, elle vous en aime davantage, elle veut tout tenir de vous, même l'esprit. Elle peut être sotte, mais ce qui vaut mieux que de dire de jolies choses, elle sait en faire. Elle vous aime, mais elle désire être aussi votre orgueil. Il ne s'agit pas de savoir se bien mettre, d'être élégante et belle. Elle veut vous rendre fière de son intelligence. Vous êtes l'homme le plus heureux du monde d'avoir su sortir de ce premier mauvais pas conjugal. Nous allons ce soir chez Madame Deschard, où l'on ne sait que faire pour s'amuser. On y joue à toutes sortes de jeux innocents, à cause du troupeau de jeunes femmes et de jeunes filles qui y sont. « Tu verras, » dit-elle. « Vous êtes si heureux que vous fredonnez des airs en jouant toutes sortes de choses chez vous, en caleçon et en chemise. Vous ressemblez à un lièvre faisant ses 100 000 tours sur un gazon fleuri, parfumé de rosée. Vous ne passez votre robe de chambre qu'à la dernière extrémité, quand le déjeuner est sur la table. Pendant la journée, si vous rencontrez des amis, et si l'on vient à parler de femmes, vous les défendez. Vous trouvez les femmes charmantes, douces, elles ont quelque chose de divin. Combien de fois nos opinions sont-elles dictées par les événements inconnus de notre vie? Vous menez votre femme chez Madame Deschard. Madame Deschard est une mère de famille excessivement dévote et chez qui l'on ne trouve pas de journaux à lire. Elle surveille ses filles qui sont de trois lits différents et les tient d'autant plus sévèrement qu'elle a eu, dit-on, quelques petites choses à se reprocher pendant ses deux premiers mariages. Chez elle, personne n'ose hasarder une plaisanterie. Tout y est blanc et rose, parfumé de sainteté, comme chez les veuves qui atteignent aux confins de la troisième jeunesse. Il semble que ce soit la fête Dieu tous les jours. Vous, jeune mari, vous vous initiez à la société juvénile des jeunes femmes, des petites filles, des demoiselles et des jeunes gens qui sont dans la chambre à coucher de Madame Deschartres. Les gens graves, les hommes politiques, les tataouistes et athées sont dans le grand salon. On joue à deviner des mots à plusieurs sens, d'après les réponses que chacun doit faire à ses questions. Comment l'aimez-vous? Qu'en faites-vous? Où le mettez-vous? Votre tour arrive de deviner un mot. Vous allez dans le salon, vous mêlez à une discussion, et vous revenez appelé par une rieuse petite fille. On vous a cherché quelques mots qui puissent prêter aux réponses les plus énigmatiques. Chacun sait que pour embarrasser les fortes têtes, le meilleur moyen est de choisir un mot très vulgaire et de comploter des phrases qui jettent l'audible salon à milieu de chacune de ses pensées. Ce jeu remplace difficilement le lorsque-nez ou les crêpes, mais il est peu dispendieux. Le mot « mal » a été promu à l'état de sphinx. Chacun s'est promis de vous dérouter. Le mot, entre autres acceptions, a celle de mal, substantif qui signifie en esthétique le contraire du bien. De mal, substantif, il prend mille expressions pathologiques, puis mal, la voiture du gouvernement. Et enfin mal, ce coffre varié de forme, à tout crin, à toute peau, à oreille, qui marche rapidement, car il sert à emporter les effets de voyage, dirait un homme de l'école de Lille. Pour vous, homme d'esprit, le sphinx déploie ses coquetteries. Il étend ses ailes, les replis. Il vous montre ses pattes de lion, sa gorge de femme, ses reins de cheval, sa tête intelligente. Il agite ses bandelettes sacrées. Il se pose et s'envole, revient et s'en va, balaie la place de sa queue redoutable. Il fait briller ses griffes, il les rampe, il sourit, il frétille et murmure. Il a des regards d'enfant joyeux, de matrone grave. Il est surtout moqueur. Je l'aime d'amour. Je l'aime chronique. Je l'aime à crinière fournie. Je l'aime à secret. Je l'aime dévoilé. Je l'aime à cheval. Je l'aime comme venant de Dieu, a dit Madame Deschartres. Comment l'aimes-tu, dites-vous à votre femme? Je l'aime légitime. La réponse de votre femme est incomprise et vous envoie promener dans les champs constellés de l'infini ou de l'esprit, ébloui par la multitude des créations. On ne peut rien choisir. On le place dans une remise, au grenier, dans un bateau à vapeur, dans la presse, dans une charrette, dans les bagnes, aux oreilles, en boutique. Votre femme vous y est en dernier, dans mon lit. Vous y étiez. Mais vous ne savez aucun mot qui aille à cette réponse, Madame Deschartres n'ayant rien pu permettre d'indécent. Qu'en fais-tu? Mon seul bonheur, dit votre femme, après les réponses de chacun, qui toutes vous ont fait parcourir le monde entier des suppositions linguistiques. Cette réponse frappe tout le monde, et vous particulièrement. Aussi, vous obstinez-vous à chercher le sens de cette réponse. Vous pensez à la bouteille d'eau chaude enveloppée de linge que votre femme fait mettre à ses pieds dans les grands froids. À la bassinoire, surtout. À son bonnet. À son mouchoir. Au papier de ses papillotes. À l'ourlet de sa chemise. À sa rabanderie. À sa camisole. À votre foulard. À l'oreiller. À la table de nuit, où vous ne trouverez rien de convenable. Enfin, comme le plus grand bonheur des répondants est de voir leur Œdipe mystifié, que chaque mot donné pour le vrai les jette en des accès de rire, les hommes supérieurs aiment mieux, en ne voyant cadrer aucun mot à toutes ces explications, s'avouer vaincus que de dire inutilement trois substantifs. D'après la loi, sur ce jeu innocent, vous êtes condamné à retourner dans le salon après avoir donné un gage. Mais vous êtes si excessivement intrigué par les réponses de votre femme que vous demandez le mot. « Mal !» vous crie une petite fille. Vous comprenez tout, moins les réponses de votre femme. Elle n'a pas joué le jeu. Madame Deschartres, ni aucune des jeunes femmes n'a compris. On a triché. Vous vous révoltez. Il y a émeute de petites filles, de jeunes femmes. On cherche, on s'intrigue. Vous voulez une explication. Et chacun partage votre désir. Dans quelle acception as-tu donc pris ce mot, ma chère? Demandez-vous à Caroline. Eh bien, mal. Madame Deschartres se pince les lèvres et manifeste le plus grand mécontentement. Les jeunes femmes rougissent et baissent les yeux. Les petites filles agrandissent les leurs, se poussent les coudes et ouvrent les oreilles. Vous restez les pieds cloués sur le tapis et vous avez tant de sel dans la gorge que vous croyez une répétition inverse de l'accident qui délivra Lot de sa femme. Vous apercevez une vie infernale, le monde est impossible. Restez chez vous avec cette triomphante bêtise, autant aller au bagne. Les supplices moraux surpassent les douleurs physiques de toute la hauteur qui existe entre l'âme et le corps. Vous renoncez à éclairer votre femme. Caroline est une seconde édition de Nabucodonosor, car un jour, de même que la chrysalide royale, elle passera du velu de la bête à la férocité de la pourpre impériale. Les attentions d'une jeune femme. Au nombre des délicieuses joyeusetés de la vie de garçon, tout homme compte l'indépendance de son lever. Les fantaisies du réveil compensent les tristesses du coucher. Un garçon se tourne et se retourne dans son lit. Il peut bâiller à faire croire qu'il se commet des meurtres, crier à faire croire qu'il se commet des joies excessives. Il peut manquer à ses serments de la veille, laisser brûler son feu allumé dans sa cheminée et sa bougie dans les bobèches. Enfin, se rendormir, malgré les travaux pressés. Il peut maudire ses bottes prêtres qui lui tendent leurs bouches noires et qui hérissent leurs oreilles. Ne pas voir les crochets d'acier qui brillent éclairés par un rayon de soleil, filtrés à travers les rideaux. Se refuser aux réquisitions sonores de la pendule obstinée, s'enfoncer dans sa ruelle en se disant « Hier, oui, hier, c'était bien pressé, mais aujourd'hui, ce ne l'est plus. » Hier est un fou, aujourd'hui est le sage. Il existe entre deux la nuit qui porte conseil, la nuit qui éclaire. Je devrais y aller, je devrais faire. J'ai promis, je suis un lâche. Mais comment résister aux ouates de mon lit? J'ai les pieds mous, je dois être malade. Je suis trop heureux, je veux recevoir les horizons impossibles de mon rêve. Et mes femmes sans talons, et ces figures ailées, ces natures complaisantes. Enfin, j'ai trouvé le grain de sel à mettre sur la queue de cet oiseau qui s'envolait toujours. Cette coquette a les pieds pris dans la glu, je la tiens. Votre domestique lit vos journaux. Il entre vos lettres, il vous laisse tranquille, et vous vous rendormez, bercé par le bruit vague des premières voitures. Ces terribles, ces pétulantes, ces vives voitures, chargées de viande, ces charrettes à mamelles de fer blanc, pleines de lait, et qui font des tapages infernaux, qui brisent les pavés, elles roulent sur du coton. Elles vous rappellent vaguement l'orchestre de Napoléon Musard, quand votre maison tremble dans ses membrures et s'agite sur sa quille. Vous vous croyez comme un marin bercé par le zéphyr. Toutes ces joies, vous seules les faites finir en jetant votre foulard, comme en tortille, sa serviette après le dîner, en vous dressant sur votre... cela s'appelle votre séant. Et vous vous grondez vous-même en vous disant quelques duretés comme « Ah, ventre bleu, il faut se lever !»« Chasseur diligent, mon ami qui veut faire fortune, doit se lever matin. Tu es un drôle, paresseux. » Vous restez sur ce temps. Vous regardez votre chambre, vous rassemblez vos idées, enfin, vous sautez hors du lit, spontanément, avec courage, par votre propre vouloir. Vous allez au feu, vous consultez la plus complaisante de toutes les pendules, vous interjetez des espérances ainsi conçues. Chose est paresseuse, je trouverai bien encore. Je vais courir, je le rattraperai s'il est sorti. On m'aura bien attendu. Il y a un quart d'heure de grâce dans tous les rendez-vous, même entre débiteurs et créanciers. Vous mettez vos bottes avec fureur. Vous vous habillez comme quand vous avez peur d'être surpris peu vêtu. Vous avez les plaisirs de la hâte. Vous interpellez vos boutons. Enfin, vous sortez comme un vainqueur, sifflotant, brandissant votre canne, secouant les oreilles, galopant. Après tout, dites-vous, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes votre maître. Toi, pauvre homme marié, tu as fait la sottise de dire à ta femme « Ma bonne, demain, quelquefois elle le sait deux jours à l'avance, je dois me lever de grand matin. » Malheureux Adolphe, vous avez surtout prouvé la gravité de ce rendez-vous. Et il s'agit de... Enfin, 2 heures avant le jour, Caroline vous réveille tout doucement et vous dit tout doucement « Mon ami, Quoi? Le feu? Le... Non, d'or, je me suis trompé. L'aiguille était là, tiens. Il n'est que 4 heures. Tu as encore 2 heures à dormir. Dire à un homme, vous n'avez plus que 2 heures à dormir, n'est-ce pas? En petit, comme quand on dit à un criminel, il est 5 heures du matin, ce sera pour 7 heures et demie. Ce sommeil est troublé par une pensée grise, ailée, qui vient se cogner aux vitres de votre cervelle, à la façon des chauves-souris. Une femme est alors exacte, comme un démon venant réclamer une âme qui lui a été vendue. Quand 5 heures sonnent, la voix de votre femme, hélas trop connue, résonne dans votre oreille. Elle accompagne le timbre et vous dit avec une atroce douleur « Adolphe, voilà 5 heures. Lève-toi, mon ami. » « Ah oui, ouin. » « Adolphe, tu manqueras ton affaire. » Et c'est toi-même qui l'as dit. « Ouais, oui. » Vous roulez la tête avec désespoir. « Allons, mon ami, je t'ai tout apprêté hier. Mon chat, tu dois partir. Veux-tu manquer le rendez-vous? Allons donc. Lève-toi donc, Adolphe. Va-t'en, voilà le jour. » Caroline se lève en rejetant les couvertures. Elle tient à vous montrer qu'elle peut se lever sans barguigner. Elle va ouvrir les volets. Elle introduit le soleil, l'air du matin, le bruit de la rue. Elle revient. « Mais, mon ami, lève-toi donc. Qui jamais aurait pu te croire sans caractère? Oh, les hommes! Moi, je ne suis qu'une femme, mais ce que je dis est fait. Vous vous levez en grommelant, en maudissant le sacrement du mariage. Vous n'avez pas le moindre mérite dans votre héroïsme. Ce n'est pas vous, mais votre femme qui s'est levée. Caroline vous trouve tout ce qu'il vous faut, avec une promptitude désespérante. Elle prévoit tout. Elle vous donne un cache-nez en hiver, une chemise de batiste, un ray bleu en été. Vous êtes traité comme un enfant. Vous dormez encore. Elle vous habille. Elle se donne tout le mal. Vous êtes jeté hors de chez vous. Sans elle, tout irait mal. Elle vous rappelle pour vous faire prendre un papier, un portefeuille. Vous ne songez à rien, elle songe à tout. Vous revenez 5 heures après, pour le déjeuner, entre 11 heures et midi. La femme de chambre est sur la porte, dans l'escalier, sur le carré, causant avec quelques valets de chambre. Elle se sauve en vous entendant ou vous apercevant. Votre domestique met le couvert sans se presser. Il regarde par la croisée, il flâne, il va et vient en homme qui sait avoir son temps à lui. Vous demandez où est votre femme. Vous la croyez sur pied. Madame est encore au lit, dit la femme de chambre. Vous trouvez votre femme languissante, paresseuse, fatiguée, endormie. Elle avait veillé toute la nuit pour vous éveiller. Elle s'est recouchée. Elle a faim. Vous êtes cause de tous les dérangements. Si le déjeuner n'est pas prêt, elle en accuse votre départ. Si elle n'est pas habillée, si tout est en désordre, c'est votre faute. À tout ce qui ne va pas, elle répond. Il a fallu te faire lever si matin. Monsieur s'est levé si matin, et la raison universelle. Elle vous fait coucher bonne heure, parce que vous êtes levé matin. Elle ne peut rien faire de la journée, parce que vous vous êtes levé matin. 18 mois après, elle vous dit encore, sans moi, tu ne te lèverais jamais. À ses amis, elle dit, monsieur s'est levé, oh, sans moi, si je n'étais pas là, jamais il ne se lèverait. Un homme dont la tête grisonne lui dit « Cela fait votre éloge, madame. » Cette critique un peu leste met un terme à ses vanteries. Cette petite misère, répétée 2 ou 3 fois, vous apprend à vivre seul, au sein de votre ménage, à n'y pas tout dire, à ne vous confier qu'à vous-même. Et vous paraît souvent douteux que les avantages du lit nuptial en surpassent les inconvénients. Les taquinages. Vous avez passé de l'allegro sautillant du célibataire au grave andante du père de famille. Au lieu de ce joli cheval anglais cabriolant, piaffant entre les brancards vernis d'un tilbury léger comme votre cœur, émouvant sa croupe luisante sous le quadruple assis des rênes et des guides que vous savez manier avec quelle grâce et quelle élégance, les Champs-Élysées le savent. Vous conduisez un bon gros cheval normand à l'allure douce. Vous avez appris la patience maternelle. Et vous ne manquez pas d'occasion de le prouver. Aussi, votre figure est-elle sérieuse. À côté de vous se trouve un domestique, évidemment, à 2 fins, comme est la voiture. Cette voiture à 4 roues est montée sur des ressorts anglais, a du ventre et ressemble à un bateau rouenné. Elle a des vitrages, une infinité de mécanismes économiques. Calèche dans les beaux jours, elle doit être un coupé les jours de pluie. Légère en apparence, elle est alourdie par 6 personnes, et fatigue votre unique cheval. Au fond, se trouvait allée, comme des fleurs, votre jeune femme, épanouie, et sa mère, grosse rose trémière, à beaucoup de feuilles. Ces deux fleurs de la jante femelle gazouillent et parlent de vous, tandis que le bruit des roues et votre attention de cocher, mêlée à votre défiance paternelle, vous empêche d'entendre le discours. Sur le devant, il y a une jolie bonne proprette qui tient sur ses genoux une petite fille. À côté, brille un garçon, chemise rouge plissée, qui se penche hors de la voiture, veut grimper sur les coussins, et s'est attiré mille fois des paroles qu'il s'était purement combinatoires. Le « Sois donc sage, Adolphe », ou le « Je ne vous emmène plus, monsieur », de toutes les mamans. La maman est en secret superlativement ennuyée de ce garçon tapageur. Elle s'est irritée 20 fois, et 20 fois le visage de la petite fille endormie l'a calmée. « Je suis mère », s'est-elle dit, et elle a fini par maintenir son petit Adolphe. Vous avez exécuté la triomphante idée de promener votre famille. Vous êtes parti le matin de votre maison, où les ménages mitoyens se sont mis aux fenêtres en enviant le privilège que vous donne votre fortune d'aller au champ et d'en revenir sans subir les voitures publiques. Or, vous avez traîné l'infortuné cheval normand à Vincennes, à travers tout Paris, de Vincennes à Saint-Maur, de Saint-Maur à Charenton, de Charenton en face de je ne sais quelle île qui a semblé plus jolie à votre femme et à votre belle-mère que tous les paysages obscènes duquel vous les avez menés. « Allons, à maison » s'est-on écrié. Vous êtes allé à maison, près d'Alfort. Vous revenez par la rive gauche de la Seine, au milieu d'un nuage de poussière olympique très noirâtre. Le cheval tire péniblement votre famille. Hélas, vous n'avez plus aucun amour propre. En lui voyant les flancs rentrés et deux os saillants aux deux côtés du ventre, son poil est moutonné par la sueur sortie et séchée à plusieurs reprises, qui, non moins que la poussière, a gommé, collé, hirsuté le poil de l'eau de sa robe. Le cheval ressemble à un hérisson en colère. Vous avez peur qu'il ne soit fourbu. Vous le caressez du fouet avec une sorte de mélancolie qu'il comprend, car il agite la tête comme un cheval de coucou, fatigué de sa déplorable existence. Vous y tenez à ce cheval. Il est excellent. Il a coûté 1200 francs. Quand on a l'honneur d'être père de famille, on tient 1200 francs autant que vous tenez à ce cheval. Vous apercevez le chiffre effrayant des dépenses extraordinaires dans le cas où il faudrait faire reposer Coco. Vous prendrez pendant 2 jours des cabrioles de place pour vos affaires. Votre femme fera la moue de ne pouvoir sortir. Elle sortira et prendra un remise. Le cheval donnera lieu à des extras que vous trouverez sur le mémoire de votre unique palefrenier, un palefrenier unique et que vous surveillez comme toutes les choses uniques. Ces pensées, vous les exprimez dans le mouvement doux par lequel vous laissez retomber le fouet le long des côtes de l'animal engagé dans la poudre noire qui sable la route devant la verrerie. En ce moment, Adolphe, qui ne sait que faire dans cette boîte roulante, s'est tortillé, s'est attristé dans son coin. Et sa grand-mère inquiète lui a demandé « Qu'as-tu ?»« J'ai faim, » a répondu l'enfant. « Il a faim, » a dit la mère à sa fille. « Et comment n'aurait-il pas faim ?» Il est 5h30, nous sommes seulement pas à la barrière, et nous sommes partis depuis 2 heures. Ton mari aurait pu le faire dîner à la campagne. Il aime mieux faire 2 lieues de plus à son cheval et revenir à la maison. La cuisinière aurait eu son dimanche. Mais Adolphe a raison après tout. C'est une économie que de dîner chez soi, répond la belle-mère. Adolphe, s'écrit votre femme stimulée par le mot économie, nous allons si lentement que je vais avoir le mal de mer. Et vous nous menez ainsi précisément dans cette poussière noire. À quoi pensez-vous? Ma robe et mon chapeau seront perdus. Aimes-tu mieux que nous perdions le cheval? Demandez-vous, en croyant avoir répondu péremptoirement. Il ne s'agit pas de ton cheval, mais de ton enfant qui se meurt de faim. Voilà 7 heures qu'il n'a rien pris. Fouette donc ton cheval. En vérité, ne dirait-on pas que tu tiens plus à ta rosse qu'à ton enfant? Vous n'osez pas donner un seul coup de fouet au cheval. Il aurait peut-être encore assez de vigueur pour s'emporter et prendre le galop. Non, Adolphe tient à me contrarier. Il va plus lentement, dit la jeune femme à sa mère. Va, mon ami, va quand tu voudras. Et puis tu diras que je suis dépensière en me voyant acheter un autre chapeau. Vous dites alors des paroles perdues dans le bruit des roues. Mais quand tu me répondras, pas de raisons qui n'ont pas de sens commun, crie Caroline. Vous parlez toujours en tournant la tête vers la voiture et la retournant vers le cheval, afin de ne pas faire de malheur. Bon, accroche, verse-nous, tu seras débarrassé de nous. Enfin, Adolphe, ton fils meurt de faim, il est tout pâle. Cependant, Caroline, dit la belle-mère, il fait ce qu'il peut. Rien ne vous impatiente comme d'être protégée par votre belle-mère. Elle est hypocrite. Elle est enchantée de vous voir aux prises avec sa fille. Elle jette tout doucement et avec des précautions infinies de l'huile sur le feu. Quand vous arrivez à la barrière, votre femme est muette. Elle ne dit plus rien. Elle tient ses bras croisés. Elle ne veut pas vous regarder. Vous n'avez ni âme, ni cœur, ni sentiment. Il n'y a que vous pour inventer de pareilles parties de plaisir. Si vous avez le malheur de rappeler à Caroline que c'est elle qui, le matin, a exigé cette partie au nom de ses enfants et de sa nourriture, elle nourrit sa petite. Vous serez accablé sous une avalanche de phrases froides et piquantes. Aussi, acceptez-vous tout pour ne pas aigrir le lait d'une femme qui nourrit et à laquelle il faut passer quelques petites choses, vous dites à l'oreille votre atroce belle-mère. Vous avez au cœur toutes les furies d'Oreste. À ces mots sacramentels dits par l'octroi, vous n'avez rien à déclarer ? Je déclare, dit votre femme, beaucoup de mauvaise humeur et de poussière. Elle rit, l'employé rit. Il vous prend envie de verser votre famille dans la Seine. Pour votre malheur, vous vous souvenez de la joyeuse et perverse fille qui avait un petit chapeau rose et qui frétillait dans votre tilbury quand, 6 ans auparavant, vous aviez passé par là pour aller manger une matelote. Une idée. Madame Schontz s'inquiétait bien d'enfant de son chapeau dont la dentelle a été mise en pièces dans les forêts. Elle ne s'inquiétait de rien, pas même de sa dignité, car elle indisposa le garde champêtre de Vincennes par la désinvolture de sa danse un peu risquée. Vous avez hâté rageusement votre cheval normand. Vous n'avez évité ni l'indisposition de votre animal, ni l'indisposition de votre femme. Le soir, Caroline a très peu de lait. Si la petite crie à vous rompre la tête en suçant le sein de sa mère, toute la faute est à vous, qui préférez la santé de votre cheval à celle de votre fils, qui mourait de faim, et de votre fille, dont le souper a péri dans une discussion où votre femme a raison, comme toujours. Après tout, dit-elle, les hommes ne sont pas mères. Vous quittez la chambre, et vous entendez votre belle-mère consolant sa fille par ces terribles paroles. « Ils sont tous égoïstes. Calme-toi. Ton père était absolument comme cela. » Le conclusum. Il est 8 heures, vous arrivez dans la chambre à coucher de votre femme, il y a force lumière, la femme de chambre et la cuisinière voltigent, les meubles sont encombrés de robes essayées, de fleurs rejetées. Le coiffeur est là, l'artiste par excellence, autorité souveraine, à la fois rien et tout. Vous avez entendu les autres domestiques allant et venant. Il y a eu des ordres donnés et repris, des commissions bien ou mal faites. Le désordre est au comble. Cette chambre est un atelier d'où doit sortir une Vénus de salon. Votre femme veut être la plus belle du bal où vous allez. Est-ce encore pour vous, seulement pour elle ou pour autrui? Question grave. Vous n'y pensez seulement pas. Vous êtes serré, ficelé, harnaché dans vos habits de bal. Vous allez à pas compter, regardant, observant, songeant à parler d'affaires sur un terrain neutre avec un agent de change, un notaire ou un banquier à qui vous ne voudriez pas donner l'avantage d'aller les trouver chez eux. Un fait bizarre que chacun a pu observer, mais dont les causes sont presque indéterminables, et la répugnance particulière que les hommes habillés et prêts d'aller en soirée manifestent pour les discussions ou pour répondre à des questions. Au moment du départ, il est peu de maris qui ne soient silencieux et profondément enfoncés dans des réflexions variables selon les caractères. Ceux qui répondent ont des paroles brèves et péremptoires. En ce moment, les femmes, elles, deviennent excessivement agaçantes. Elles vous consultent, veulent avoir votre avis sur la manière de dissimuler une queue de rose, de faire tomber une grappe de bruyère, de tourner une écharpe. Il ne s'agit jamais de ces brimborions, mais d'elles-mêmes. Suivant une jolie expression anglaise, elles pêchent les compliments à la ligne, et quelquefois, mieux que des compliments. Un enfant qui sort du collège apercevrait la raison cachée derrière les saules de ses prétextes. Mais votre femme vous est si connue. Et vous avez tant de fois agréablement badiné sur ses avantages moraux et physiques que vous avez la cruauté de dire votre avis brièvement, en conscience. Et vous forcez alors Caroline d'arriver à ce mot décisif, cruel à dire pour toutes les femmes, même celles qui ont 20 ans de ménage. Il paraît que je ne suis pas à ton goût. Attiré sur le vrai terrain par cette question, vous lui jetez des éloges qui sont pour vous la petite monnaie à laquelle vous tenez le moins, les sous, les liards de votre bourse. Cette robe est délicieuse. Je ne t'ai jamais vue si bien mise. Le bleu, le rose, le jaune, le ponceau, choisissez, te va ravir. La coiffure est très originale. En entrant au bal, tout le monde t'admirera. Non seulement tu seras la plus belle, mais encore la mieux mise. Elles enrageront toutes de ne pas avoir ton goût. La beauté, nous ne la donnons pas, mais le goût est comme l'esprit, une chose dont nous pouvons être fiers. Vous trouvez ? Est-ce sérieusement, Adolphe ? Votre femme coquette avec vous. Elle choisit ce moment pour vous arracher votre prétendue pensée sur tel ou tel de ses amis et pour vous glisser le prix des belles choses que vous louez. Rien n'est trop cher pour vous plaire. Elle renvoie sa cuisinière. Partons, dites-vous. Elle renvoie la femme de chambre après avoir renvoyé le coiffeur et se met à tourner devant sa psyché en vous montrant ses plus glorieuses beautés. Partons, dites-vous. Vous êtes bien pressé, répond-elle. Et elle se montre en minaudant, en s'exposant comme un beau fruit magnifiquement dressé dans l'étalage d'un marchand de comestibles. Comme vous avez très bien dîné, vous l'embrassez alors au front, vous ne vous sentez pas en mesure de contresigner vos opinions. Caroline devient sérieuse. La voiture est avancée. Toute la maison regarde madame s'en allant. Elle est le chef-d'œuvre auquel chacun a mis la main, et tous admirent l'œuvre commune. Votre femme part, enivrée d'elle-même et peu contente de vous. Elle marche glorieusement au bal, comme un tableau chéri pour lécher dans l'atelier, caressé par le peintre, est envoyé dans le vaste bazar du Louvre à l'exposition. Votre femme trouve hélas 50 femmes plus belles qu'elle. Elles ont inventé des toilettes d'un prix fou, plus ou moins originales. Et il arrive pour l'œuvre féminine ce qui arrive au Louvre pour le chef-d'œuvre. La robe de votre femme pâlit auprès d'une autre presque semblable, dont la couleur plus voyante écrase la sienne. Caroline n'est rien, elle est à peine remarquée. Quand il y a 60 jolies femmes dans un salon, le sentiment de la beauté se perd. On ne sait plus rien de la beauté. Votre femme devient quelque chose de fort ordinaire. La petite ruse de son sourire perfectionné ne se comprend plus parmi les expressions grandioses auprès de femmes à regard hautain et hardi. Elle est effacée, elle n'est pas invitée à danser. Elle essaie de se grimer pour jouer le contentement, et comme elle n'est pas contente, elle entend dire « Madame Adolphe a bien mauvaise mine ». Les femmes lui demandent hypocritement si elle souffre. Pourquoi ne pas danser ? Elles ont un répertoire de malice couverte de bonhomie, plaqué de bienveillance, à faire damner un saint, à rendre un sage sérieux et à donner froid à un démon. Vous, innocent, qui jouait, allez et venez, et qui ne voyait pas une des mille piqûres d'épingle par lesquelles on a tatoué l'amour propre de votre femme, vous arrivez à elle en disant à l'oreille « Qu'as-tu ? Demandez ma voiture. » Ce mât est l'accomplissement du mariage. Pendant 2 ans, on a dit « la voiture de monsieur ». La voiture, notre voiture, et enfin, ma voiture. Vous avez une partie engagée, une revanche à donner, de l'argent à gagner. Ici, l'on vous concède, Adolphe, que vous êtes assez fort pour dire oui, disparaître et ne pas demander la voiture. Vous avez un ami, vous l'envoyez danser avec votre femme, car vous en êtes à un système de concession qui vous perdra. Vous entrevoyez déjà l'utilité d'un ami. Mais vous finissez par demander la voiture. Votre femme y monte avec une rage sourde. Elle se flanque dans son coin, s'emmitouffe dans son capuchon, se croise les bras dans sa pelisse, se met en boule comme une chatte, et ne dit mot. Oh Marie, sachez-le, vous pouvez en ce moment tout réparer, tout raccommoder, et jamais l'impétuosité des amants qui se sont caressés par de flamboyants regards pendant toute la soirée n'y manque. Oui, vous pouvez la ramener triomphante. Elle n'a plus que vous. Il vous reste une chance, celle de violer votre femme. Ah bah, vous lui dites, votre imbécile, nié et indifférent. Qu'as-tu ? Axiome. Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa femme, car elle sait toujours ce qu'elle n'a pas. Froid, dit-elle. La soirée était superbe. Oh, rien de distingué. On a la manie aujourd'hui d'inviter tout Paris dans un trou. Il y avait des femmes jusque sur l'escalier. Les toilettes s'abîment horriblement. La mienne est perdue. On s'est amusé. Vous autres, vous jouez et tout est dit. Une fois marié, vous vous occupez de vos femmes comme les lions s'occupent de peinture. Je ne t'en connais plus. Tu étais si gaie, si heureuse, si pimpante en arrivant. Ah, vous ne comprenez jamais. Je vous ai prié de partir et vous me laissez là, comme si les femmes faisaient jamais quelque chose sans raison. Ah, vous avez de l'esprit, mais dans certains moments, vous êtes vraiment singulier. Je ne sais à quoi vous pensez. Une fois sur ce terrain, la querelle s'envenime. Quand vous donnez la main à votre femme pour descendre de voiture, vous tenez une femme de bois. Elle vous dit un merci par lequel elle vous met sur la même ligne que son domestique. Vous n'avez pas plus compris votre femme avant qu'après le bal. Vous la suivez avec peine. Ne monte pas l'escalier. Elle vole. Il y a brouille complète. La femme de chambre est enveloppée dans la disgrâce. Elle est reçue à coups de non et oui sec comme des biscottes de Bruxelles et qu'elle avale en vous regardant de travers. « Monsieur n'en fait jamais d'autre, » dit-elle en grommelant. « Vous seul avez pu changer l'humeur de madame. Madame se couche, elle a une revanche à prendre. Vous n'avez pas comprise. Elle ne vous comprend point. » Elle se range dans son coin de la façon la plus déplaisante et la plus hostile. Elle est enveloppée dans sa chemise, dans sa camisole, dans son bonnet de nuit, comme un ballot d'horlogerie qui part pour les grandes Indes. Elle ne vous dit ni bonsoir, ni bonjour, ni mon ami, ni Adolphe. Vous n'existez pas, vous êtes un sac de farine. Votre Caroline, si agaçante 5 heures auparavant, dans cette même chambre où elle frétillait comme une anguille, est du plomb en saumon. Vous seriez le tropique en personne, à cheval sur l'équateur, vous ne fondriez pas les glaciers de cette petite Suisse personnifiée qui paraît dormir et qui vous glacerait de la tête aux pieds au besoin. Vous lui demanderiez sans voix ce qu'elle a, la Suisse vous répond par un conclusum, comme le Vorort ou comme la conférence de Londres. Elle n'a rien, elle est fatiguée, elle dort. Plus vous insistez, plus elle est bastionnée d'ignorance, garnie de chevaux de frise. Quand vous vous impatientez, Caroline a commencé des rêves. Vous grognez, vous êtes perdu. Les femmes, sachant toujours bien expliquer leur grandeur, c'est leur petitesse qu'elles laissent à deviner. Caroline daignera vous dire peut-être aussi qu'elle se sent déjà très indisposée. Mais elle rit dans ses coiffes quand vous dormez et profère des malédictions sur votre corps endormi. La logique des femmes. Vous croyez avoir épousé une créature douée de raison, vous vous êtes lourdement trompé, mon ami. Les êtres sensibles ne sont pas des êtres sensés. Le sentiment n'est pas le raisonnement. La raison n'est pas le plaisir. Et le plaisir n'est certes pas une raison. Oh, monsieur, dites... Ah oui, ah, vous lancerez ce « ah » du plus profond de votre caverne thoracique en sortant furieux de chez vous ou en rentrant dans votre cabinet, abasourdi. Pourquoi ? Comment ? Qui vous a vaincu, tué, renversé ? La logique de votre femme, qui n'est pas la logique d'Aristote, ni celle de Ramus, ni celle de Kant, ni celle de Condillac, ni celle de Robespierre, ni celle de Napoléon, mais qui tient de toutes les logiques et qu'il faut appeler la logique de toutes les femmes. La logique des femmes anglaises, comme celle des Italiennes, des Normandes et des Bretonnes. Celles-ci sont invaincues. Des Parisiennes, enfin des femmes de la Lune, s'il y a des femmes dans ce pays nocturne avec lequel les femmes de la Terre s'entendent évidemment, anges qu'elles sont. La discussion s'est engagée après le déjeuner. Les discussions ne peuvent jamais avoir lieu qu'en ce moment dans les ménages. Un homme, quand il le voudrait, ne saurait discuter au lit avec sa femme. Elle a trop d'avantages contre lui et peut trop facilement le réduire au silence. En quittant le lit conjugal, où il se trouve une jolie femme, on a faim, quand on est jeune. Le déjeuner est un repas assez gai. La gaieté n'est pas raisonneuse. Bref, vous n'entamez l'affaire qu'après avoir pris votre café à la crème ou votre thé. Vous avez mis dans votre tête d'envoyer, par exemple, votre enfant au collège. Les pères sont tous hypocrites, et ne veulent jamais avouer que leur sang les gêne beaucoup quand ils courent sur deux jambes, porte surtout ses mains hardies et frétille comme un têtard dans la maison. Votre enfant jappe, miaule et piaule. Il casse, brise ou salit les meubles, et les meubles sont chers. Il fait le sabre de tout, il égare vos papiers, il emploie ses cocottes au journal que vous n'avez pas encore lu. La mère lui dit, prends, à tout ce qui est à vous. Mais elle dit, prends garde, à tout ce qui est à elle. La rusée bâmonnait avec vos affaires pour avoir sa tranquillité. Sa mauvaise foi de bonne mère est à l'abri derrière son enfant. L'enfant est son complice. Tous deux s'entendent contre vous, comme Robert Macaire et Bertrand contre un actionnaire. L'enfant est une hache avec laquelle on fourrage tout chez vous. L'enfant va triomphalement ou sournoisement à la maraude dans votre garde-robe. Il reparaît caparaçonné de caleçons sales, il met au jour des choses condamnées aux gémonies de la toilette, il apporte à une amie que vous cultivez, à l'élégante madame de Fitchaminel, des ceintures à comprimer le ventre, des bouts à deux bâtons à cirer les moustaches, de vieux gilets déteints aux entournures, des chaussettes légèrement noircies aux talons et jaunies dans les bouts. Comment faire observer que ces maculatures sont un effet du cuir? Votre femme rit en regardant votre amie, et vous n'osez pas vous fâcher. Vous riez aussi, mais quel rire! Les malheureux le connaissent. Cet enfant vous cause en outre des peurs chaudes, quand vos rasoirs ne sont plus à leur place. Si vous vous fâchez, le petit drôle sourit et vous montre deux rangées de perles. Si vous le grondez, il pleure. À quoi la mère? Et quelle mère! Une mère qui va vous haïr s'il vous ne cédez pas. Il n'y a pas de mezzo terminé avec les femmes. On est un monstre ou le meilleur des pères. Dans certains moments, vous concevez Hérode et ses fameuses ordonnances sur le massacre des innocents, qui n'ont été surpassées que par celles du bon Charles X. Votre femme est revenue sur son sofa. Vous promenez, vous vous arrêtez, et vous posez nettement la question par cette phrase interjective. Décidément, Caroline, nous mettrons Charles en pension. Charles ne peut pas aller en pension, dit-elle d'un petit ton doux. Charles a 6 ans, l'âge auquel commence l'éducation des hommes. À 7 ans d'abord, répond-elle. Les princes ne sont jamais remis par leur gouvernante ou gouverneur qu'à 7 ans. Voilà la loi et les prophètes. Je ne vois pas pourquoi l'on n'appliquerait pas aux enfants des bourgeois les lois suivies par les enfants des princes. Ton enfant est-il plus avancé que les leurs? Le roi de Rome? Le roi de Rome n'est pas une autorité. Le roi de Rome n'est pas le fils de l'empereur? Elle détourne la discussion. En voilà bien une autre. Ne vas-tu pas accuser l'impératrice? Elle a été accouchée par le docteur Dubois. En présence de... Je ne dis pas cela. Tu ne me laisses jamais finir, Adolphe. Je dis que le roi de Rome... Ici, vous commencez à élever la voix. Le roi de Rome, qui a délai à peine 4 ans lorsqu'il a quitté la France, ne saurait servir d'exemple. Cela n'empêche pas que le duc de Bordeaux n'ait été remis à 7 ans à monsieur le duc de Rivière, son gouverneur. Effet logique. Pour le duc de Bordeaux, c'est différent. Tu conviens donc alors qu'on ne peut pas mettre un enfant au collège avant l'âge de 7 ans, dit-elle avec emphase. Autre effet. Je ne dis pas cela du tout, ma chère amie. Il y a là bien de la différence entre l'éducation publique et l'éducation particulière. C'est bien pour cela que je ne veux pas mettre encore Charles au collège. Il faut être encore plus fort qu'il ne l'est pour y entrer. Charles est très fort pour son âge. Charles? Oh, les hommes! Mais Charles est d'une constitution très faible. Il tient de vous. Le « vous » commence. Si vous voulez vous défaire de votre fils, vous n'avez qu'à le mettre au collège, mais il y a déjà quelque temps que je m'aperçois bien que cet enfant vous ennuie. Allons, mon enfant m'ennuie, à présent. Te voilà bien. Nous sommes responsables de nos enfants, envers eux-mêmes. Il faut enfin commencer l'éducation de Charles. Il prend ici les plus mauvaises habitudes. Il n'obéit à personne. Il se croit le maître de tout. Il donne des coups et personne ne lui en rend. Il doit se trouver avec des égaux, autrement il aura le plus détestable caractère. Merci. J'élève donc mal mon enfant? Je ne dis pas cela. Mais vous aurez toujours d'excellentes raisons pour le garder. Ici, le vous s'échange, et la discussion acquiert un ton aigre de part et d'autre. Votre femme veut bien vous affliger du vous, mais elle se blesse de la réciprocité. Enfin, voilà votre mot. Vous voulez m'ôter mon enfant. Vous vous apercevez qu'il est entre nous, vous êtes jaloux de votre enfant, vous voulez me tyranniser à votre aise, et vous sacrifiez votre fils. Oh, j'ai bien assez d'esprit pour vous comprendre. Mais vous faites de moi Abraham tenant son couteau. N'en tirait-on pas qu'il n'y a pas de collège? Les collèges sont vides, personne ne met les enfants au collège. Vous voulez me rendre aussi par trop ridicule, repent-elle. Je sais bien qu'il y a des collèges, mais on ne met pas des garçons au collège à 6 ans, et Charles n'ira pas au collège. Mais ma chère amie, ne t'emporte pas. Comme si je m'emportais jamais. Je suis femme et sais souffrir. Raisonnons. Oui, c'est assez déraisonné. Il est bien temps d'apprendre à lire et à écrire à Charles. Plus tard, il éprouverait des difficultés qui le rebuteraient. Ici, vous parlez pendant 10 minutes, sans aucune interruption. Et vous finissez par un « Eh bien ?» armé d'une accentuation qui figure un point interrogeant extrêmement crochu. « Eh bien » dit-elle. « Il n'est pas encore temps de mettre Charles au collège. Il n'y a rien de gagné. » « Mais ma chère, cependant, Monsieur Deschard a mis son petit Jules au collège à 6 ans. Viens voir des collèges, tu y trouveras énormément d'enfants de 6 ans. » Vous parlez encore 10 minutes, sans aucune interruption. Et quand vous jetez un autre, « Eh bien, le petit Deschard est revenu avec des engelures, » répond-elle. « Mais Charles a des engelures ici. »« Jamais, » dit-elle d'un air superbe. La question se trouve après un quart d'heure, arrêtée par une discussion accessoire sur « Charles ». A-t-il eu ou n'a-t-il pas eu des engelures? Vous vous renvoyez des allégations contradictoires. Vous ne vous croyez plus l'un l'autre. Il faut en appeler à des tiers. Tout ménage à sa cour de cassation qui ne s'occupe jamais du fond et qui ne juge que sur la forme. La bonne est mandée. Elle vient. Elle est pour votre femme. Il est acquis à discussion que Charles n'a jamais eu d'engelures. Caroline vous regarde. Elle triomphe et vous dit ses ébouriffantes paroles. Tu vois bien qu'il est impossible de mettre Charles au collège. Vous sortez suffoqué de colère. Il n'y a aucun moyen de prouver à cette femme qu'il n'existe pas la moindre corrélation entre la proposition de mettre son enfant au collège et la chance d'avoir ou de ne pas avoir des engelures. Le soir, devant 20 personnes, après le dîner, vous entendez cette atroce créature finissant avec une femme, sa longue conversation, par ces mots. Il voulait mettre Charles au collège, mais il a bien vu qu'il fallait encore attendre. Quelques maris, dans ces sortes de circonstances, éclatent devant tout le monde. Ils se font minotauriser 6 semaines après, mais ils y gagnent ceci, que Charles est mis au collège le jour où il lui échappe une indiscrétion. D'autres cassent des porcelaines en se livrant à une rage intérieure. Les gens habiles ne disent jamais rien et attendent. La logique de la femme se déploie ainsi dans les moindres faits, à propos d'une promenade et d'un meuble à placer, d'un déménagement. Cette logique, d'une simplicité remarquable, consiste à ne jamais exprimer qu'une seule idée, celle qui formule leur volonté. Comme toutes les choses de la nature, femelle, ce système peut se résoudre par ces deux termes algébriques, oui, non. Et il y a aussi quelques hochements de tête qui remplacent tout. Jésuitisme des femmes. Le jésuite, le plus jésuite des jésuites, est encore 1000 fois moins jésuite que la femme la moins jésuite. Jugez combien les femmes sont jésuites. Elles sont si jésuites que le plus fin des jésuites lui-même ne devinerait pas à quel point une femme est jésuite, car il y a 1000 manières d'être jésuite. Et la femme est si habile jésuite qu'elle a le talent d'être jésuite sans avoir l'air jésuite. On prouve à un jésuite rarement, mais on lui prouve quelquefois qu'il est jésuite. Essayez donc de démontrer à une femme qu'elle agit ou parle en jésuite. Elle se ferait hacher avant d'avouer qu'elle est jésuite. Elle, jésuite, elle, la loyauté, la délicatesse même. Elle, jésuite, mais qu'entend-on par être jésuite? Connaît-elle ce que c'est que d'être jésuite? Qu'est-ce que les jésuites? Elle n'a jamais vu ni entendu de jésuite. C'est vous qui êtes un jésuite. Et elle vous le démontre en expliquant jésuitiquement que vous êtes un subtil jésuite. Voici un des 1000 exemples du jésuitisme de la femme, et cet exemple constitue la plus horrible des petites misères de la vie conjugale, elle en est peut-être la plus grande. Poussée par les désirs 1000 fois exprimés, 1000 fois répétés de Caroline, qui se plaignait d'aller à pied, ou de ne pas pouvoir remplacer assez souvent son chapeau, son ombrelle, sa robe, quoi que ce soit de sa toilette, de ne pas pouvoir mettre son enfant matelot, en lancier, en artilleur de la garde nationale, en écossais, les jambes nues, avec une toque à plumes, en jaquette, en redingote, en sarrau de velours, en bottes, en pantalon. De ne pas pouvoir lui acheter assez de joujoux, des souris qui trottent toutes seules, de petits ménages complets, etc. Ou rendre à Madame Deschard, ni à Madame de Fichtaminel, leur politesse. Un bal, une soirée, un dîner. Ou prendre une loge au spectacle, afin de ne plus se placer ignoblement aux galeries entre des hommes trop galants ou grossiers à demi. D'avoir à chercher un fiacre à la sortie du spectacle. Tu crois faire une économie? Tu te trompes, dit-elle. Les hommes sont tous les mêmes. Je gâte mes souliers, je gâte mon chapeau, mon châle se mouille, tout se fripe, mes bas de soie sont éclaboussés. Tu économises 20 francs de voiture. Non, pas même 20 francs, car tu prends pour 4 francs de fiacre. 16 francs donc. Et tu perds pour 50 francs de toilette. Puis tu souffres dans ton amour-propre en voyant sur ma tête un chapeau fané. Tu ne t'expliques pas pourquoi. C'est tes damnés fiacres. Je ne te parle pas de l'ennui d'être prise et foulée entre des hommes et paraît que cela t'est indifférent. De ne pouvoir acheter un piano au lieu d'en louer un. Ou suivre les modes. Il y a des femmes qui ont toutes les nouveautés. Mais à quel prix? Elle aimerait mieux se jeter par la croisée que de les imiter. Car elle vous aime, elle pleurniche. Elle ne comprend pas ces femmes-là. De ne pouvoir s'aller promener aux Champs-Élysées dans sa voiture, mollement couchée, comme Madame de Fitzcheminel. En voilà une qui entend la vie. Et qui a un bon mari, et bien appris, et bien discipliné, et heureux. Sa femme passerait dans le feu pour lui. Enfin, battu dans 1000 scènes conjugales, battu par les raisonnements, les plus logiques, feu Tripier, feu Merlin ne sont pas que des enfants, la misère précédente vous l'a maintes fois prouvé, battu par les caresses, les plus chattes, battu par les larmes, battu par vos propres paroles. Car dans ces circonstances, une femme est tapie entre les feuilles de sa maison comme un jaguar. Elle n'a pas l'air de vous écouter, de faire attention à vous. Mais s'il vous échappe un mot, un geste, un désir, une parole, elle s'en arme. Elle la file. Elle vous l'oppose sans et sans foi. Battue par des singeries gracieuses. Si tu fais cela, je ferai ceci. Elle devient alors plus marchande que les Juifs. Les Grecs, de ceux qui vendent des parfums et des petites filles. Les Arabes, de ceux qui vendent des petits garçons, des chevaux. Plus marchande que les Suisses, les Genevois, les banquiers, ce qui est pire que tout cela, que les Génois. Enfin, battu comme on est battu, vous vous déterminez à risquer, dans une entreprise, une certaine portion de votre capital. Un soir, entre chien et loup, côte à côte, ou un matin, au réveil, pendant que Caroline est là, à moitié éveillée, rose dans ses linges blancs, le visage riant dans ses dentelles, vous lui dites « Tu veux ceci? Tu veux cela? Tu m'as dit ceci? Tu m'as dit cela ?» Enfin, vous énumérez en un instant les innombrables fantaisies par lesquelles elle vous a maintes fois et maintes fois crevé le cœur. Car il n'y a rien de plus affreux que de ne pouvoir satisfaire le désir d'une femme aimée. Et vous terminez en disant « Eh bien, ma chère amie, il se présente une occasion de quintupler 100 000 francs. Et je suis décidé à faire cette affaire. » Elle se réveille. Elle se dresse sur ce qu'on est convenu d'appeler son séant. Elle vous embrasse. « Oh là, bien !» Tu es gentil, est son premier mot. Ne parlons pas du dernier. C'est une énorme et indicible onomatopée assez confuse. Maintenant, dit-elle, explique-moi ton affaire. Et vous tâchez d'expliquer l'affaire. D'abord, les femmes ne comprennent aucune affaire. Elles ne veulent pas paraître les comprendre. Elles les comprennent. Ou quand, comment, elles doivent les comprendre. À leur temps, dans la saison, à leur fantaisie. Votre chère créature, Caroline, ravie, dit que vous avez eu tort de prendre au sérieux ses désirs, ses gémissements, ses envies de toilette. Elle a peur de cette affaire, elle s'effarouche des gérants, des actions, et surtout du fonds de roulement. Le dividende n'est pas clair. Les femmes ont toujours peur de ce qui se partage. Enfin, Caroline craint des pièges. Mais elle est enchantée de savoir qu'elle peut avoir sa voiture, sa loge, les habits variés de son enfant, etc. Tout en vous détournant de l'affaire, elle est visiblement heureuse de vous voir y mettant vos capitaux. « Oh, ma chère, je suis la plus heureuse femme de la terre. Adolphe vient de se lancer dans une magnifique affaire. Je vais avoir un équipage, oh, bien plus beau que celui de Madame de Fitzcheminel. Le sien est passé de mode. Le mien aura des rideaux à franges. Mes chevaux seront gris de souris. Les siens sont des alezans, communs, comme des pièces de ciliard. Madame, cette affaire est donc, oh, superbe. Les actions doivent monter. Il me l'a expliqué avant de s'y jeter, car Adolphe ne fait rien sans prendre conseil de moi. Vous êtes bien heureuse. Le mariage n'est pas tolérable dans une confiance absolue, et Adolphe me dit tout. Vous êtes, vous ou toi, Adolphe, le meilleur mari de Paris. Un homme adorable, un génie, un cœur, un ange. Aussi, vous choyez à en être incommodé. Vous bénissez le mariage. Caroline vante les hommes, ses rois de la création. Les femmes sont faites pour eux. L'homme est généreux, le mariage est la plus belle institution. Durant 3 mois, 6 mois, Caroline exécute les concertos, les solos, les plus brillants sur cette phrase adorable. Je serai riche. J'aurai 1000 francs par mois pour ma toilette. Je vais avoir un équipage. Il n'est plus question de l'enfant que pour savoir dans quel collège on le met. Deuxième époque. Eh bien, mon cher ami, où donc en est cette affaire? Que devient ton affaire? Et cette affaire qui doit me donner une voiture, etc. Il est bien temps que ton affaire finisse. Quand se terminera l'affaire? Elle est bien longtemps à se faire, cette affaire-là. Quand l'affaire sera-t-elle finie? Les actions montent-elles? Il n'y a que toi pour trouver des affaires qui ne se terminent pas. Un jour, elle vous demande, y a-t-il une affaire? Si vous voulez en parler de l'affaire, au bout de 8 à 10 mois, elle répond, ah, cette affaire, mais il y a donc vraiment une affaire? Cette femme, que vous avez crue sotte, commence à montrer incroyablement d'esprit quand il s'agit de se moquer de vous. Pendant cette période, Caroline garde un silence compromettant quand on parle de vous. Ou elle a dit du mal des hommes en général, les hommes ne sont pas ce qu'ils paraissent être, on ne les connaît qu'à l'user, le mariage a du bon et du mauvais. Les hommes ne savent rien finir. Troisième époque. Catastrophe. Cette magnifique entreprise qui devait donner 5 capitaux pour un, à laquelle ont participé les gens les plus défiants, les gens les plus instruits, des pairs et des députés, des banquiers, tous chevaliers de la Légion d'honneur. Cette affaire est en liquidation. Les plus hardis espèrent 10% de leurs capitaux. Vous êtes triste. Caroline nous a souvent dit, Adolphe, qu'as-tu? Adolphe, tu as quelque chose. Enfin, vous apprenez à Caroline le fatal résultat. Elle commence par vous consoler. 100 000 francs de perdus, il faudra maintenant la plus stricte économie, dites-vous imprudemment. Le jésuitisme de la femme éclate alors sur ce mot économie. Le mot économie met le feu aux poudres. Ah, voilà ce que c'est que de faire des affaires. Pourquoi donc, toi, si prudent, es-tu donc allé compromettre 100 000 francs? J'étais contre l'affaire, souviens-t'en. Mais tu ne m'as pas écouté. Sur ce thème, la discussion s'envenime. Vous n'êtes bon à rien, vous êtes incapable. Les femmes seules voient juste. Vous avez risqué le pain de vos enfants. Elle vous en a dissuadé. Vous ne pouvez pas dire que ce soit pour elle. Elle n'a, Dieu merci, aucun reproche à se faire. 100 fois par mois, elle fait allusion à votre désastre. Si monsieur n'avait pas jeté ses fonds dans une telle entreprise, je pourrais avoir ceci, cela. Quand tu voudras faire une affaire une autre fois, tu m'écouteras. Adolphe est atteint et convaincu d'avoir perdu 100 000 francs à l'étourdi, sans but, comme un sot, sans avoir consulté sa femme. Caroline dissuade ses amis de se marier. Elle se plaint de la capacité des hommes qui dissipent la fortune de leur femme. Caroline est vindicative. Elle est sotte. Elle est atroce. Plaignez Adolphe. Plaignez-vous, ô mari, ô garçon. Réjouissez-vous. Souvenir et regret. Mariée depuis quelques années, votre amour est devenu si placide que Caroline essaie quelquefois le soir de vous réveiller par de petits mots piquants. Vous avez ce je ne sais quoi de calme et de tranquille qui impatiente toutes les femmes, légitimes. Les femmes y trouvent une sorte d'insolence. Elles prennent la nonchalance du bonheur pour la fatuité de la certitude, car elles ne pensent jamais au dédain de leurs inestimables valeurs. Leur vertu est alors furieuse d'être prise au mot. Dans cette situation, qui est le fond de la langue de tout mariage, et sur laquelle hommes et femmes doivent compter, aucun mari n'ose dire que le pâté d'anguille l'ennuie. Mais son appétit a certainement besoin des condiments de la toilette, des pensées de l'absence, des irritations d'une rivalité supposée. Enfin, vous vous promenez alors très bien avec votre femme sous le bras, sans serrer le sien contre vos flancs, avec la craintive et soigneuse cohésion de l'avare tenant son trésor. Vous regardez à droite et à gauche les curiosités sur les boulevards, en gardant votre femme d'un bras lâche et distrait, comme si vous étiez le remorqueur d'un gros bateau normand. Allons, soyons francs, mes amis. Si derrière votre femme, l'admirateur l'a pressé, par mégarde, elle dit du mal, les hommes, en gardant votre femme d'un bras lâche et distrait. Première strophe. Ah, pourquoi me suis-je marié? Ah, quelle fatale idée! Je me suis laissé prendre à quelques écus. N'est-il pas excessivement flatteur pour l'un comme pour l'autre? Vous en êtes là, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Cependant, vous enterrez au fond de votre cœur et de votre conscience une horrible pensée.

Il vaut mieux voir tes héritiers emportant tes meubles pendant que tu râles. Il vaut mieux rester 2 heures sans boire, à l'agonie, assassiné de paroles testamentaires par une garde malade comme celle que Henri Monnier met si cruellement en scène dans sa terrible peinture des derniers moments d'un célibataire. Ne te marie sous aucun prétexte. Heureusement, vous ne voyez plus la sublime jeune fille. Vous êtes sauvé de l'enfer où vous conduisez de criminelles pensées. Vous retombez dans le purgatoire de votre bonheur conjugal. Mais vous commencez à faire attention à Madame de Fitzstaminel, que vous avez adorée sans pouvoir arriver jusqu'à elle quand vous étiez garçon. Observation. Arrivé à cette hauteur, dans la latitude ou la longitude de l'océan conjugal, il se déclare un petit mal chronique, intermittent, assez semblable à des rages de dents. Vous m'arrêtez, je le vois, pour me dire « Comment relève-t-on la hauteur dans cette mer ? Quand un mari peut-il se savoir à ce point nautique ? Et peut-on en éviter les écueils ? On se trouve là, comprenez-vous, aussi bien après 10 mois de mariage. »